Bonsoir, jeunes auditeurs et auditrices que vous êtes encore et devenus et restés depuis ce temps. C'est Denis Barry qui vous parle et c'est l'émission L'Opineur du Chef jusqu'à 22h ce soir sur CKRLMF 89.1 à Québec. Je vous souhaite une bien belle soirée. J'ai préparé cette émission avec plaisir en pensant à vous. Oh oui, à vous. Je me suis dit... comme d'habitude, je me demande tout le temps qu'est-ce qui vous ferait plaisir et je pense des choses qui vont vous plaire, je l'espère. En tout cas, on va passer notre 2 heures puis on verra. Hein. Cette semaine, j'ai eu un courriel de Jean Fortin qui m'a écrit du Machu Picchu au Pérou en disant qu'il était en train d'écouter L'Opineur du Chef sur son podcast. J'ai trouvé ça un peu hallucinant. Je me suis dit, mon Dieu, on sort loin quand même. Hein. Alors, j'en profite pour saluer tous ceux et celles qui nous écoutent de loin. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent de Québec, là, j'en doute pas. Mais il y a du monde de Montréal qui sont là, il y a du monde des régions, il y a du monde d'un peu partout. Alors, c'est très flatteur et je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Puis je salue aussi 2 copains de mon école, Jean-François et Pierre, que j'ai croisés aujourd'hui dans le passage, parce qu'on est tellement tannant qu'on se fait mettre dans le passage. Et c'est pas mal plus de fun d'être dans le passage d'une fois qu'il est en classe. Alors, Jean-François et Pierre m'ont dit qu'ils écoutaient l'émission, puis qu'il y en a un qui écoutait ça dans l'auto, puis l'autre qui écoutait ça, je sais pas où, là, pas dans le passage, parce que le soir, ils donnent congé. Donc, le jeu de soir, c'est un genre de rituel, L'Opineur du Chef, et ça l'est pour vous, ça l'est pour moi. Ça fait longtemps qu'on fait ça, et on a toujours plaisir à être ensemble. Je vous souhaite une bien belle soirée de novembre. Et j'entendais le thème, mais ça me fait toujours un petit peu... je suis pas nostalgique, là. C'est pas ça l'idée, là, mais quand même, tu sais, je garde quand même en tête les dates importantes. Et le 10 novembre 1971, il y avait les Pink Floyd qui venaient ici à Québec pour la première fois de leur carrière. Et le TQ que j'étais à cette époque était là avec plusieurs d'autres TQ de la gang là, qui étaient là. Alors ce soir, ben c'est un peu novembre, hein? C'est le 7 novembre ce soir, puis on n'est pas loin de la date. Alors, comme à l'habitude, je vais faire mon petit pèlerinage devant le pavillon de la jeunesse où s'était tenu ce concert mémorable que je n'oublierai jamais, qui a confirmé plein d'affaires dans ma tête, dans mon cœur et dans mon âme, et qui font en sorte que cet adolescent que je traîne encore avec tellement de plaisir et de bonheur quand je regarde les jeunes vieux que je rencontre à l'occasion. Alors, j'ai plaisir à penser que peut-être c'est cet événement-là qui a soldé le tout. Bah, peut-être que je rêve aussi, mais en tout cas, pour moi, ce soir, c'est ça. Bonne soirée, et c'est L'Opineur du Chef jusqu'à 22h. This is one thing that I was going to wait a while before we talked about. Maybe we'll talk about it now so you can think about it, because we all have to make some kind of plans for ourselves. It's a free concert from now on. That doesn't mean that anything goes. What that means is we're going to put the music up here for free. Now,

touch me? Can you see me? I don't know. If you're out there, can you reach me and lay a flower in the snow? Set in search of land, his life out solely by him, and was guided by the tide. Heroine, morphine, white, she beckoned like some savior bright. Shipwrecked sailors in the night were made welcome to her side. Must surely cease the irresistible white fleeced hero in search of the peace which she alone could offer. Thus he knelt before her feet, wary lest their eyes should meet. He knew his life was incomplete, for he had yet to suffer. Increasingly dream. The dark night sheds no light, it merely serves a warning. I pray for one single ray of hope. Oh, midnight sun. I've seen the midnight sun shining, watched her wrist tenderly die. Are alight. I sit alone in mourning. I wonder, is there death after life? Oh, midnight sun. Midnight sun shining, welcomed her through the golden lining. For when I have to fight to wake up in the morning, I look to her for her open arms. Oh, midnight sun. Bonsoir, je m'appelle Olivier, je me couche toujours à 8 heures, sauf le jeudi, parce que j'écoute mon grand-papa Denis à la radio de CKRL. Thank you. seem big enough for red and white. This place ain't big enough for stars and stripes. L'opinion du chef à CKRL, c'est Denis Barry qui est avec vous jusqu'à 10h ce soir. J'espère que vous allez bien. On vient tout juste d'entendre la pièce Bert Wright. C'était le groupe, c'était un fragment de Yes à l'époque. C'était Anderson, Bruford, Wakeman et Howe qui ont concocté ce disque. Avant, on a entendu les Strobes avec Midnight Sun et Hero and Heroine. Earthless Heat, c'était Genesis, et bien sûr, c'est Steve Hackett. Et on avait débuté le bloc avec Falling Angel, c'était Robbie Robertson. Alors voilà, c'est ce qui s'est passé depuis 20 heures. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle soirée, c'est ce que je vous souhaite. Et on se dit à tantôt. Tout de suite après ceci, on va passer à la musique. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi. Lorsque l'été est terminé, qu'il emmène avec lui la lime framboise, tous les palmiers, tous les bananiers, ça signifie que l'automne est arrivé. Et avec lui, la bonne cuivrée au thé. Yeah! Arrête ça! Cuivrée au thé! Eh oui, c'est la Barberie. Ouais, disponible dès cet automne. Ah!

sentire malestar. Vivere un piccolo e sempre siamo tutti qua. Sire, siamo noi, il poeta, l'assassino, sua santità. Tutti fedeli amici tuoi. Senza di voi presto sedetevi al banchetto, attendevamo soltanto voi. Sempre ogni giorno che verrà, finché thank you. sorridono. Sono il paura, non ride ma non si sa. Sempre che nucola, non mi va mai bene niente chissà perché. Sempre che nucola, non mi va mai bene niente chissà perché. CKRL, c'est Denis Barry qui vous parle. Et la dernière chanson qu'on vient d'entendre, c'était PFM et le Banquito. C'était justement dédié à notre commanditaire, le Chicho Café. Alors, voilà. C'est ce qui s'est passé comme publicité depuis une minute, ou à peu près. Alors, je les remercie de s'associer à l'Opinion de Chef, ces gens, ces restaurateurs. Émérite de la ville de Québec qui... Moi, je suis très flatté de les savoir là. En tout cas, si vous avez la chance d'aller manger là, ça vaut vraiment la peine. C'est un super bon restaurant. Alors, avant le Chicho Café et El Banquito, on a entendu Hate Song, c'était Porcupine Tree, dans une prestation live à la radio en 2003. C'était la pièce Hate Song, c'était une pièce assez musclée, j'en conviens, mais combien sentie par tous ces membres de ce groupe qui était vraiment un très bon groupe. Et puis Steve Wilson à la barre, et avec leur nouveau batteur à l'époque. Avant Hate Song, on a entendu One Slip avec les Pink Floyd, tiré du disque A Moment the Relapse of Reason. Tout juste avant, c'était Eternity Road, c'était Moody Blues, tiré du disque Two Hour Children, Children, Children. C'est un disque qui date de 1971. 1971, c'était une année assez fertile pour les groupes rock progressifs de la planète. En tout cas, si vous remarquez les dates derrière les disques que vous aimez de ces années-là, souvent ça tombe sur 1971. Avant, on a entendu King Crimson qui avait débuté le bloc avec la pièce Peace tirée du disque In the Wake of Poseidon. Voilà, vous écoutez l'opinion de chef à CKRL. Ici, on est en temps réel, il est 9h07. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent en rediffusion. Je vous salue, je trouve ça extrêmement agréable de me savoir à peu près n'importe quel jour de la semaine dans vos oreilles. Et surtout de vous faire jouer cette musique qui, j'espère, vous plaît ce soir. Et dans ce beau soir de novembre, sombre dès 4h et quelques, c'est comme ça. Alors, mais ça va passer, hein. Alors, je salue aussi, comme je le disais tout à l'heure, tous les gens de l'extérieur qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a qui sont à l'extérieur du périmètre de Québec. Alors, de tous les gens de Québec, on s'unit, cette belle communauté du jeudi soir pour vous saluer. Savoir que vous êtes là, c'est super agréable de se savoir projeter au-delà des périmètres et des limites. Y a-t-il quelque chose de plus trippant que d'aller au-delà de ça? Non. Alors, voilà. Nous autres, on est ensemble jusqu'à 22h pour cette émission. Ça passe toujours extrêmement vite. Il est déjà 9h08. On va y aller sans plus tarder. Ouais, si je ne veux pas tarder, il va falloir que je m'arrange parce que... Là, je salue Marc qui doit rire dans sa barbe, dans son en-dedans où il est. parce que je me suis fait jouer un tour avec les publicités, puis c'est souvent pendant ce temps-là que je prépare les disques pour la prochaine session d'automne, la deuxième session. Et vu que les publicités ont passé droite ce soir à cette heure-là, j'étais presque en train de vous faire ça en direct, et c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est une radio-école, comme je l'ai déjà dit, c'est KRL, et ça fait à peu près 25 ans que je double ma première année, et j'ai encore plaisir à être là. J'espère que vous avez autant de plaisir que moi. Bonne soirée. Tears flow as she recounts her favorite word of toe. Oh, give me peace for hurting so. Don't go away heartbroken, no. Our tears flow as she recounts her favorite word of toe. Oh, give me peace for hurting so. Don't go away heartbroken, no. Out tones, no velvet lies, crush her velvet call. Oh, money, suffer all the fools who write you on the wall. And hold your tongue about your life, for dead hands will change the plot. We'll make your loving sound like snakes, like you were never hot. I just flow, here it comes. A favorite word, a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken. Artists flow, she recounts a favorite word, a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken. Lips, yeah. Glancing fierce through right of hand. smoke hushed and frailing lips, yeah. Old ice skin increasing fears, the divorce that she describes, approaching death with a yearning heart, and pride and no despise. Our tears flow as she recounts a favorite word that's open. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Our tears flow as she recounts a favorite word and token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Our tears flow as she recounts her favorite word and token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Our tears flow as she recounts her favorite word and token. Forgive me, please, for hurting so. Après la pluie vient le beau temps.

Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Téléchargez le voyage imaginaire sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Diesel, garagiste à Saint-Élie-de-Caxton. J'aime bricoler le soir chez nous, après mon ouvrage, puis quand je bricole, j'aime écouter la musique, la belle musique. La musique de CKRL-MF, 89,1, Québec, l'opineur du chef. Très bon poste, très bon chef d'orchestre, très bonne musique partout. Oh,